cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhadna fi darsina al-sabiq ma'na al-basmala. Fama ma'na al-basmala? Fa'indaman, tfaddal. فهي كلمة استعانة فما معنى هذا الكلام؟ طلب العون. من أين أخذت هذا؟ في الأنبياء. فهي تقدير، أي قول الله عز وجل بسم الله، الباء باء الاستعانة، والاستعانة بمعنى طلب العون. الاستعانة c'est demander de l'aide. Quand on dit Bismillah, ay, on demande de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik, min bab at-tabarruk. Ma ma'na at-tabarruk? Tafadhal. Talab al-baraka. Ay, ma ma'na al-baraka? Ma indak? Allah wa da'a khayr al-shay. Ahsan. Thubut al-khayr al-ilahi fi al-shay. Hey, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il met de la baraka dans une chose, hey, du khayr. Ça peut être, comme on a dit, au niveau de, du profit, ou de l'abondance, ay bi kathra. Hada, tastafid min hada shay. Allah subhanahu wa ta'ala, yubarik laka fi hada shay. Quand on dit bismillah, hey, talab al-awn min Allah subhanahu wa ta'ala. Et kadhalik, Cheikh Al-Uthaymeen afada, an al-fi'l qui est muqaddar. Quand on dit bismillah, c'est qu'on va faire une chose, une action. Et en arabe, al-jar ou al-majrour, bismi, il est muta'alliq bi mahdouf. Il y a une action qui n'est pas citée هنا, lakin labud. Imma, al-qa'il dit bismillah li annahu il va manger, ou il va lire, ou il va écrire. Yasta'inu billahi azza wa jal ala hadha al-fi'l. Wal-Rahman, al-Rahim, isman min asma'illahi azza wa jal. C'est deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces noms, ils renferment une sifa. Mahi? Sifatul rahma. Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bi sifatul rahma. Parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-rahma. Fahuwa al-rahman al-rahim, azza wa jal. Wal ulama yadhkurun anna idha ijtama'a hadhan al-isman fi nassin. Si ces deux noms ils sont cités dans un nas, un hadith ou un verset de Al-Qur'an al-Karim, les ulama ils citent deux ma'na, une ma'na pour Ar-Rahman et une ma'na pour Ar-Rahim. Et on avait cité un qawl Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, c'était min ahsan al-aqwal fi hadha al-bab. Qui c'est qui le résume هنا? Indaman, tafaddal. Ar-Rahman عنده صفة الرحمة. أولا الرحمن اسم. اسم الرحمة. اسم من أسماء الله عز وجل. هنا بكد أدلة في هذا. هذا الاسم يغفر من صفة وهي الرحمة. الرحمة. Et ça c'est une règle. أن chaque nom d'Allah سبحانه وتعالى يغفر un attribut parfait. الرحمن صفة الرحمة. Si sont cités les deux avec الرحيم, فالرحمن بمعنى. تفضل زيد. N'am, bien ma'na. Quand ils sont cités les deux, Rahman, yani dhul al-azwaj dhul rahmati, ou al-rahim, yani bien ma'na al-fi'l bin rahmati. C'est quoi ce fi'l bin rahma? Yahman. Annahu yarham. Ahsant. Ar-Rahman, ay an Allah subhanahu wa ta'ala, il a cette sifa. Dhul rahma al-wasi'a. الرحيم سين صفة فعلية أي الله سبحانه وتعالى يرحم من يشاء هذا معنى قوله رحمة الله عليه قول شيخ ابن عثيمين الموصل للرحمة من يشاء من عباده quand ils sont cités les deux فالرحمة c'est une صفة من صفة الله عز وجل et كذلك c'est une action un فعل أي الله سبحانه وتعالى يرحم من يشاء من عباده هذا أحسن الأقوال في الجمع بين هذين الاسمين وتقدم معنا في الدرس وشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى له تفسير طيب جميل في سورة الفاتحة. هنا تفسير قوي في تفسير الفاتحة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله ووفقه لكل خير، وذكر المعنى الإجمالي بكلام متين. Il a cité Al-Basmala et il a précisé anna hadhi Al-Basmala ala une ma'na azim. Fa naqra kalamahi li mukhtasar avant de continuer kalam Cheikh Ibn Uthaymeen. Qala Cheikh Salih al-Sheikh waffaqahu Allah ta'ala ma'na bismillah ar-Rahman ar-Rahim iftutiha al-Qur'an biha. Ay le premier verset du Qur'an al-Karim c'est bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Est-ce que c'est un verset de Sourate Al-Fatiha ou c'est un verset à part? Inch'Allah ta'ala, c'est cette mas'ala qu'on va voir aujourd'hui, min kalam Cheikh Ibn Uthaymeen. Ala kulli hal, qu'on dise que c'est un verset de Al-Fatiha ou que ça ne fait pas partie de Al-Fatiha, ala kulli hal, c'est le premier verset. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, thumma Sourate Al-Fatiha. قال وبسم الله الرحمن الرحيم هذه من أعظم ما أنعم الله جل وعلا على المؤمنين بعامة من أتباع الرسل به، لأن فيها وبها من تحصيل الخيرات ما الله جل وعلا به عليم. C'est une ni'ma عظيمة. Ce verset. لكن pour celui qui comprend المعنى, le sens de ce verset, il va savoir pourquoi c'est une ni'ma. Il va comprendre كلام الشيخ هنا. قال والمعنى العام لتفسير بسم الله الرحمن الرحيم أن التالي يقول. التالي c'est celui qui récite. التلاوة c'est la récitation. المتلو c'est ce qui est récité. Tu as trois mots, c'est basé sur la même racine. التلاوة tu dis تلا الشيء أو تلا القرآن أو يتلو, tout ça c'est la récitation. فهنا التالي أي celui qui récite. يقول أتلو القرآن مستعينا بكل اسم من أسماء معبودي الحق الله الذي تسمى بأنه الرحمن الرحيم. أتلو القرآن مستعينا بالله. إساس معنى عظيمة. وسيأتي إن شاء الله معنا في قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. فتسكن ف سبي توفيق الله. سبي عون الله. سي الله سبحانه وتعالى ينفصل إطانا غبغبا. Comme les gens, ils n'arrivent pas à réciter les sourds. Pas par manque de qudra et de capacité, ils n'ont pas la force là. Ils parlent pendant des heures. Mais cette sourde, elle est très courte. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'aura pas facilité, il ne les a pas guidés pour qu'ils la récitent et la comprennent. Les mada, les hikmatin azima. Nous, en tant que mu'minoun, nasta'inu billah. وهذا شأن المؤمن أنه دائما يستعين بالله لا تعتمد على قوتك أو على ذكائك أو على جهدك على اجتهادك. Ne pense pas que les adorations que tu fais, que ce soit la récitation de sourate al-Fatiha ou autre, أنه c'est par ta force ou par ton intelligence ou là, c'est du dîn, tout ça c'est بتوفيق الله. فلهذا نحن دائما, on doit avoir ce mabda, ce principe al-isti'ana billahi azza wa jal. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Vous avez remarqué que Allah il a cité l'ibada et ensuite il a cité l'isti'ana. Et pour avoir la première chose l'ibada, labud min al-isti'ana. Enfin, quand on dit bismillahir rahmanir rahim ay nasta'in billah, on demande de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala الذي تسمى بأنه الرحمن الرحيم والذي كملت له صفة الرحمة وعظمت له آثارها فهو يتلو ويقرأ مستعينا بالله جل وعلا وبكل اسم من أسمائه من أسماء الله جل وعلا ومتوسلا إلى الله جل وعلا بكل اسم من أسمائه. لأن تقدم معنا أن لفظ الجلالة الله c'est le nom qui tous les autres noms suivent ce nom. C'est pour ça qu'on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi il a une kalima jamila fi hada qala rahmatullah alayhi hada al-ism wa huwa al-jami' ay Allah lafdhu al-jalala al-ism al-a'zam wa huwa الاسم هذا الاسم هو الجامع ولهذا تضاف الاسماء الحسنى كلها اليه. Vous avez remarqué que tous les noms ils suivent ce nom. فمثلا قال ابن القيم رحمه الله عليه فيقال الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من اسماء الله. Vous avez remarqué qu'on dit daiman hada, on cite beaucoup de noms et on dit ça fait partie des noms d'Allah. قال ابن القيم رحمة الله عليه ولا يقال الله من أسماء الرحمن. On dit pas هذا. On dit pas الله سمين أسماء العزيز أو سمين أسماء الرحمن. لا. On dit دائما l'inverse. العزيز سمين أسماء الله. الرحمن سمين أسماء الله. ثم إلى cité la preuve de هذا. قال رحمه الله. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. ولله. أي tous les noms parfaits, ils appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est al-ism al-a'zam, et comme a dit Ibn al-Qayyim, c'est l'ism al-jami' wa lihada tudaf al-asma al-husna ilayh. Qala Sheikh Salih, wa talhadhu min hadha anna al-'abd idha 'azumat ma'rifatuhu bi asma'illah jalla wa 'ala al-husna wa bi sifatihi al-'ula fa innahu yastahdhir hina yaqul hadha al-kalam al-asma' al-'azima lillah jalla wa 'ala wa ma hiya atharuha hadha min anfa' al-'ulum. C'est la science la plus profitable, connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms et ses attributs. Lianna kam minna on récite bismillahir rahmanir rahim et ربما on n'a pas assez de ilm pour méditer, pour comprendre هذه الأسماء. C'est pour ça que c'est important pour le musulman de connaître هذه الأسماء et معاني هذه الأسماء et الآثار. مثلا الرحيم, on sait que c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On sait que Allah il a sifat al-rahma, c'est une ni'ma. Tout ce que tu vois comme khair في هذه الدنيا c'est من آثار هذه الرحمة. Ta bonne santé, ta guidée, si tu regardes toi-même, tu es en bonne santé, alhamdulillah, tu es un musulman, alhamdulillah, tu fais des efforts fil un, tout ça c'est min athar rahmatillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu ton khair, wa rahimak. Tout ça tu le tires d'un nom, ar-rahim. Ma balouk, celui qui connaît tous les asma. Mathalan, avant de faire une ma'asiyah, si shaytan yuwaswis lah, ou son nafs, de faire cette ma'asiyah, s'il est qawi fil asma et wa sifat, il va se rappeler an Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le basir, il le voit. Sifatul basar, il sait que Allah il le voit. C'est pour ça que vous avez remarqué que une personne elle peut pas faire un péché s'il y a du monde. Pourquoi? لأنها تستحي من الناس. واحد il le regarde, il peut pas faire ce péché devant lui. لأن il est sûr, il le voit. Enfin, ça l'empêche de faire cette chose. Celui qui a le yaqin, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala il le voit. Enfin, même s'il est tout seul dans un endroit, il s'écartera de cette ma'asiyah. Pourquoi? لأنه il est à la yaqin أن الله c'est le sami, c'est le basir, c'est le raqib, c'est le khabir. Enfin, ça l'empêche. لأنه il sait que Allah il le voit, même s'il est seul. Enfin, vous avez remarqué que plus l'insan il est qawi fi hadha al-bab, al-asma wa sifat, plus il sera qawi dans son din. Et plus il a des faiblesses fi hadha al-bab, plus il sera da'if dans son din. C'est pour ça que al-muslim wa talib al-ilm bil-akhas, il doit donner beaucoup de temps à cette aqida, aqida tu-salaf, connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le premier fondement, ou la première mas'ala, que Cheikh al-Islam, rahmatullah alayhi, Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a cité fi al-usul al-thalatha. On doit connaître tous arba'a masa'il al-oula ma'rifatullah ila akhirih. Voilà, c'est un bab qui est muhim et on en a besoin pour expliquer le Fatiha al-an. C'est pour ça qu'on a lu هذا الكلام الطيب. قال يعني يستحضر آثارها في ملكوت الله جل وعلا فيفيض على قلبها انواعا من العلم وانواعا من المحبه وانواعا من حسن الظن بالله. Ça va lui augmenter sa mahabba. C'est une ibad azima. كذلك حسن الظن بالله. لأن il est à l'ilm, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim. وعظ الكفرة أو من تأثر بهم الآن, ils comprennent pas certaines choses. Ils ont un sou' الظن بالله. Pourquoi? À cause de leur ignorance. Ils comprennent pas certaines choses. Pourquoi مثلا tel enfant il tombe malade alors qu'il a rien fait, il est innocent, il a pas fait de zunoub. Pourquoi tel pays ils n'ont pas de pluie alors que c'est des mu'minoun. Pourquoi le kafara ma'a kufrihim وانحرافهم ils ont de la pluie ليل نهار الى سوء الظن بالله. Tu trouves à كثير منهم ils disent ils comprennent pas ou c'est pas juste ou بعضهم ils perdent un proche ولا يفهمون, ils ont pas ce ilm في اسماء الله وصفاته, ils comprennent pas pourquoi son proche il est parti. Tout ça, ça revient à هذا العلم. أما connaître et avoir l'yaqin أن الله c'est le hakim, صفة الحكمة. Tout ce qu'il fait, c'est bi-hikma. Cet enfant, s'il est tombé malade, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une hikma azim. Peut-être que ça va être un rappel pour ses parents. S'il meurt, c'est une hikma. Allah, il lui veut son khayr. Peut-être qu'il aurait grandi dans ce mujtama' où il vit, dans l'époque où il vit, peut-être qu'il serait, il aurait fait beaucoup de mal à lui-même et aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il le reprend, il est petit et il rentre fil jannah. C'est mieux que wahed qui reste, il vit 30, 40 ans et il meurt, il va finir éternellement. Celui qui connaît هذا العلم, il aura un husn al-dhan billah. Al-mu'minun, fi hadhihi ad-dunya, ils sont fait sijn, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'min, ad-dunya sijn al-mu'min, jannatul kafir. Si ce pays musulman, ils n'ont pas de pluie, la sécheresse, ils ont un niveau de vie faible par rapport au kafir, Allah il a une hikmah. An Allah il les éprouve pour leur pardonner fi dunya et il leur réserve un na'im al-akbar fi l'akhira. Amma al-kuffar, il les égare vi hada. Ils veulent pas revenir au haqq, ils combattent le din, Allah il leur donne, hatta ils s'égarent, ils oublient, et le jour où ils meurent, c'est l'adab al-shadid. Et c'est très dur hada, de passer d'une ni'ma à un adab, c'est très difficile. Hal al-kuffar. Amma al-mu'min, il a souffert fi dunya, thumma yawm al-qiyama. Et fil jannah, il aura l'éternité fi na'im. Hada, c'est min akbar al-fawz. C'est هذا العلم il est muhim. قال الشيخ صالح وانواعا من التوكل على الله. كذلك ça va pousser le mu'min yatawakkal ala Allah. An Allah il sait tout, il a tout décrété. Il est capable de tout. Obéi. Wa husn adh-dhan, une bonne pensée envers Allah et sache que al-'abd il peut rien t'enlever. Celui qui veut te faire du mal, il se fait du mal qu'à lui-même. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. قال وكل هذه تناسب المقصود في البداية ببسم الله الرحمن الرحيم فهي عظيمة جدا. انتهى كلامه حفظه الله. هذا سأغزم notre درس précédent sur معنى بسم الله الرحمن الرحيم. واليوم نقرأ هذه المسألة وبالله التوفيق. قال الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله مسألة هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟ Est-ce que le basmala c'est une ayah min al-fatiha am la? قال في هذا خلاف بين العلماء. Il y a un خلاف واسع بين أهل العلم. Certains savants ils vont dire que c'est une ayah min al-fatiha et d'autres ils vont dire là. C'est une ayah du Coran, lakin c'est pas une ayah de al-fatiha. قال فمنهم من يقول إنها آية من الفاتحة ويقرأ بها جهرا في الصلاة الجهرية ويرى أنها لا تصح إلا بقراءة البسملة لأنها من الفاتحة. Certains imams ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله أيرون أن بسم الله الرحمن الرحيم البسملة من الفاتحة. C'est pour ça qu'il la récite à voix haute في الصلاة الجهرية. Pourquoi? لأن pour elle fait partie de la Fatiha. Ça c'est un قول. ومنهم من يقول أنها أو إنها ليست من الفاتحة ولكنها آية مستقلة من كتاب الله وهذا القول هو الحق ودليل هذا النص وسياق السورة وهذا قول الإمام مالك رحمة الله عليه وكذلك نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين هنا كثير من العلماء أنها c'est pas un verset من سورة الفاتحة. C'est un verset du Coran, lakin c'est un verset à part. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أوسط الأقوال وبه تجتمع الأدلة. شيخ الإسلام il a choisi هذا القول et il démontre أن c'est le قول du juste milieu et ce قول tu peux rassembler toutes les preuves. لأن il y a beaucoup de preuves في هذا. Le fait de dire que c'est pas un verset de sourate al-Fatiha lakin c'est un verset à part, c'est al-haq, c'est sawab. Et c'est cet avis qui rassemble toutes les preuves. فَإِنَّ كِتَابَةَ الصَّحَابَ لَهَا فِي الْمَصَاحِفِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. الصحابة رضي الله عنهم quand ils ont rassemblé le Coran, لما جمعوا le Coran في المصحف, ils ont écrit البسملة. Ça me prouve que c'est un verset du Coran. C'est pour ça qu'ils l'ont cité, ils l'ont écrit. قال وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل أنها ليست منها. ثم le fait qu'ils ont écrit le basmala à part, ثم ils ont écrit la sourate après, ça montre que Al-Fatiha ne fait pas partie de sourate. C'est pour ça que tu trouves l'un dans le mushaf, أن البسملة لا يكفي أبار ثم السورة بعدها. هذا قول شيخ الإسلام. C'est قول شيخ العثيمين. Inch'Allah, c'est الصواب. شيخ العثيمين va citer بعض الأدلة نقراها. قال رحمه الله أما النص. النص c'est إما آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est ça un نص. On peut traduire par les textes, la révélation. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى حديث قدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال تعالى أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الحديث قال في الحاشية أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. Qui c'est qui peut nous citer وجه الاستدلال من الحديث؟ Pourquoi Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité ce hadith pour cette mas'ala? عندك ما ذكر في الحديث الآيات المسألة من عنده شيء آخر عندك؟ نعم كما قال الأخ الله سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والمراد بالصلاة الفاتحة. Allah subhanahu wa ta'ala قال j'ai partagé as-salat entre moi et mon serviteur en deux. استفدنا هنا أن المراد c'est الفاتحة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a commencé الفاتحة بقوله فإذا قال الحمد لله رب العالمين. S'il dit الحمد لله رب العالمين ثم la suite du hadith. Ça montre أن البسملة elle fait pas partie de الفاتحة وإلا elle aurait été citée في هذا الحديث. هذا سيستدلال قوي de شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال رحمه الله وهذا كالنص على أن البسملة ليست من الفاتحة. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فأنس إلى في الصلاة derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ثم derrière Abu Bakr wa Umar wa Uthman radiyallahu anhum ajma'in. فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. Il récite le Fatiha, al murad huna c'est في الجهرية, et dans les salats où l'on récite à voix haute. On prend l'exemple مثلاً de salat al-Maghrib. Il commençait la récitation, Anas, quand il faisait salat derrière eux, il entendait le début de la récitation Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Indaman, qui c'est qui nous montre Wajhul Istidlal, pourquoi Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité hadal hadith pour montrer Anna al-Basmala, c'est pas un verset de l'Fatiha. Indaman, Fadda. انتبه ان هنا لا يجهرون. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas récité. علاش كان quand on fait salat tu récites le basmala ام لا؟ نعم. فهنا c'est ce que Anas a entendu quand il faisait salat derrière eux رضي الله عنه. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas récité. Ben ils ont récité. Tu récites beaucoup de choses qu'on n'entend pas. L'imam مثلا quand on fait salat derrière lui il fait du'a l'istiftah, on l'entend pas. Il dit a'oudou billahi minash shaitanir rajim, on l'entend pas. Il dit bismillahir rahmanir rahim, on l'entend pas. Et donc ça doit être plus précis que ça. Indaman, faddal. Si la basmala, ça serait une ayat de Al-Fatiha, il aurait récité à voix haute. Ahsant. Anna hadha at-tafriq, cette différence entre voix haute, voix basse, ça montre que ce qui est lu, c'est pas la même chose. Ay, en d'autres mots, alors si ça serait, le basmala ferait partie de la Fatiha, elle aurait le même hukm que la Fatiha, min haith al-qira'a, al-jahr al-sir. Enfin, pourquoi le premier verset serait à voix basse, thumma le deuxième verset serait à voix haute? Ça montre que ce qui est récité à voix haute, c'est surat al-Fatiha. Ce qui est récité à voix basse, al-basmala, c'est un autre verset, et du'a al-istiftah, ça fait pas partie du Coran, c'est un du'a min al-sunnah, et hakada. هكذا لزوت أذكار الاستعاذة. قال شيخ العثيمين في أول قراءة أو هذا الحديث قرأنا والمراد لا يجهرون. Pour comprendre l'istidlal, tu dois comprendre أولا أن أنس qu'il a entendu, c'est ce qu'il disait à voix haute. Ça ne veut pas dire qu'il récitait pas à voix basse. هذا أولا. والتمييز بينها وبين الفاتحة في الجهر وعدمه يدل على أنها ليست منها. Cette différence. Avec le Fatiha, elle est récitée à voix haute. Et le Basmala à voix basse, ça montre que le Basmala ne fait pas partie de le Fatiha, ou illa elle aurait le même hukm. Le même hukm dans Mada ? Non, fil jahr. Le Basmala c'est à voix basse, le Fatiha c'est à voix haute, ça montre cette différence que le Basmala ne fait pas partie de le Fatiha, ou illa elle aurait le même hukm, et elle serait récitée à voix haute. C'est pour ça que l'imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, et يقول بجهر البسمله لان الى شوزي دو قول qu'elle fait partie de la Fatiha. Donc ça implique que si tu dis qu'elle fait partie de la Fatiha, tu récites à voix haute. Et là chaque انه il a des adillah et مثل هذا الحديث, ils vont avoir une explication et c'est une autre مساله, elle est طويله. Et في الحقيقه les deux avis sont قوي, لكن l'avis que البسمله on la récite à voix basse et que البسمله elle fait pas partie de sourate al-Fatiha, il est اقوى. حديث أنس سينبخب على هذا. ثم قال رحمه الله أما من جهة السياق من حيث المعنى فالفاتحة سبع آيات بالاتفاق. Suivez الآن. On va lire et son كلام il demande de l'attention. فالفاتحة سبع آيات بالاتفاق. L'unanimité, comme on a vu dans l'introduction dans notre premier dors, أن الفاتحة c'est sept versets. قال وإذا أردت أن توزع سبع توزع السبع الآيات على موضوع الصورة وجدت أن نصفها هو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. غوفيان حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. الله إلى partagé la salat et il fatiha entre lui et son abd en deux. Si tu veux faire ce partage الآن, Cheikh Ibn Uthaymeen va le faire, naqra. Et vous allez comprendre que al-basmala, elle ne fait pas partie de la Fatiha. قال, وجدت أن نصفها هو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. La moitié de la Fatiha, c'est ce verset. إياك نعبد وإياك نستعين. وهي الآية التي قال الله تعالى فيها قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. لأن الحمد لله رب العالمين واحدة. Cheikh Ibn Uthaymeen, الآن, il va faire le compte. Les sept versets, pour te montrer la moitié, elle est où? Et pour te montrer le premier verset, c'est lequel? Et il va déduire que le premier verset, c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est pas Bismillah Rahman Rahim. قال, Alhamdulillah Rabbil Alamin واحدة. C'est le premier verset. Ar-Rahman Rahim الثانية. مالك يوم الدين الثالثة. وكلها حق لله عز وجل. On rappelle le hadith, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Les trois premiers versets, c'est la première partie. Allah il a partagé Al-Fatiha en deux parties. Une partie pour lui, une partie pour l'abd. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, tout ça c'est Haqqun Lillah. Wadih. قال, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in al-rabi'a, يعني الوسط. أما هذه Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, فهذه c'est pour Allah et pour l'abd. قال, الرابعة يعني الوسط وهي قسمان قسم منها حق لله وقسم حق للعبد. Donc ce verset حق لله et حق للعبد. قال وقسم أو أنا جي نعم on répète لأن j'ai pas lu la virgule on a rattaché le كلام et le معنى elle est pas صواب. On répète, الرابعة يعني الوسط وهي قسمان قسم منها حق لله وقسم حق للعبد. نعم نعم تمام صواب. قال اهدنا الصراط المستقيم للعبد. On est l'un dans la deuxième partie. Hey, les trois derniers versets pour l'abd. اهدنا الصراط المستقيم للعبد. صراط الذين أنعمت عليهم للعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين للعبد. Donc avec هذا التقسيم ça te montre أن البسملة الفا بارتي دو الفاتحة. الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الله il a partagé la salat entre lui et son serviteur deux parties. La première partie, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Les trois premiers versets. Les trois derniers, c'est pour l'Abd. Ihdina surat al-mustaqib. Surat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, wala al-dallin. Vous avez remarqué que c'est le dua. C'est l'Abd qui demande. C'est pour ça que c'est un haqqun lil'Abd. Amma les trois premiers, il n'y a pas de dua. Bel, c'est des noms et des attributs d'Allah. Il reste le verset du milieu. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'i. Al-ibada, c'est un haqq lillah. Et l'Abd, كذلك في ان دعاء دونك سو فيرسي حق لله حق للعبد سلام واتي. قال شيخ ابن عثيمين فتكون ثلاث ايات لله عز وجل وهي الثلاثه الاولى لي 3 بروميي فيرسي حق لله وثلاث ايات للعبد وهي الثلاثه الاخيره كذلك لا دوزيام بارتي 3 فيرسي سي حق للعبد اي il fait une demande c'est les 3 derniers. قال وواحده بين العبد وربه وهي الرابعه الوسطى. Et un verset, c'est celui du milieu, le quatrième. حَقٌ لِلَّهُ وَحَقٌ لِلْعَبْدِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. قَالَ ثُمَّ مِنْ جِهَةِ السِّيَاقِ مِنْ حَيْثِ اللَّفْظِ فَإِذَا قُلْنَا إِنَّ الْبَسْمَلَ آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ الْآيَةَ السَّابِعَةَ طَوِيلَةً عَلَى قَدْرِ آيَتَيْنِ. واحد peut nous dire, لكن ceux qui disent بسم الله الرحمن الرحيم, ils vont faire leur partage avec le basmala. Ils vont dire بسم الله الرحمن الرحيم, c'est le premier verset. الحمد لله رب العالمين, c'est le deuxième. Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est le troisième, il a akhir à la fin. Lakin, fi siyaq, comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymeen, le dernier verset il va être tawil. Léana, si tu fais le même taqsim que nous, tu auras huit versets. Fahoum, ils vont être obligés de dire Sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, wala al-dallin. Tout ça, c'est un verset. Cheikh Ibn Uthaymeen, il montre al-siyaq, ça ne va pas, fil haqiqa. Léana, vous avez remarqué que les sourds, fil Qur'an, la longueur des versets, khassatan, dans les petites sourates Juz Amma et la fin, les petits versets, ou les versets courts plutôt, ils ont la même longueur, taqriban. Ahuna, c'est la même chose. Vous avez remarqué que si on dit que le premier verset c'est Alhamdulillah, la longueur des versets c'est presque les mêmes. On répète Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. Vous avez remarqué que c'est presque la même longueur. Et à la fin, ça finit toujours par un ya et un noun, ou un ya et un mim. Si on dit al-basmala, c'est le premier verset, enfin le dernier verset va être beaucoup plus long que les autres. Ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladhina an'amta alayhim. Plutôt, on commence par surat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa al-dallin. Tout ça, c'est un verset. Fi siyaq, ça montre que l'autre qawl, il est aqrab. Haqiqa, c'est pas un dalil clair, hada. C'est pas un nas clair, lakin ça avec les autres adillah ça renforce. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, on répète qawluhu thumma min jihati as-siyaq min hayth al-lafd idha qulna inna al-basmala ayatun min al-fatiha lazima an takuna al-aya as-sabi'a tawila ala qadr ayatayn wa min al-ma'lum anna taqarub al-ayat fi at-tul wal-qisr huwa al-asl. C'est ce qu'on a cité. Cheikh Ibn Uthaymeen dit anna al-asl, c'est que les versets au niveau de la longueur, ça se rapproche dans une même sourate. Ahyanan, ce n'est pas le cas. Lakin kathiran. Kathiran, c'est hada. Et là, vous avez remarqué que tous les versets, ils sont presque de la même longueur. Tu mets le même temps à les réciter, sauf le dernier. Si on dit que le basmala, c'est le premier verset, enfin, le septième verset va être très long. Et fil haqiqa, ça sort du asl. Hada, c'est un istidlal al-qawi pour renforcer al-qawl. أن البسملة سبا أن فرسد سورة الفاتحة سأن فرسد أبار. قال فالصواب الذي لا شك فيه أن البسملة ليست من الفاتحة كما أن البسملة ليست من بقية السور سساء الصواب. قول شيخ ابن عثيمين وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى التفصيل الجميل في هذا إلى ديتاي أكثر أن البسملة سبا أن فرسد سورة الفاتحة سبا أن فرسد de toutes les autres sourates. Mathalan bismillah ar-rahman ar-rahim qul huwallahu ahad allahu samad ila akhirih. Al-basmala c'est un verset, lakin ça fait c'est pas un verset de sourate al-ikhlas. Wa hakada jami' as-sour. Il faut une précision هنا. عند من؟ لابد من قيد. تفضل. أحسنت. ما عدا سورة النمل. تفضل زد. نعم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة النمل يان فيرس يا البسملة. Donc on dit que le basmala c'est pas un verset de sourate al-Fatiha ou de toutes les autres sourates sauf dans sourate an-Naml. Lakin dans sourate an-Naml c'est pas le premier verset là, c'est un verset min sourate an-Naml. Amma à chaque fois au début des sourates, en fait c'est un verset pour séparer les deux sourates. Hada wallahu ta'ala a'lam. Donc cette précision la bud minha anna qawl Cheikh Nouthaymin kama anna al-basmala laysat min baqiyat as-sour. Vous écrivez illa fi sourati an-naml et vous écrivez le verset innahu min sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Fi hadha al-hal, dans cette situation, al-basmala c'est un verset de sourate an-naml, mais c'est pas le premier verset. Cheikh Al-Uthaymeen huwa yaqsid quand c'est au début. Hadha wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bi hadha al-qadr wa alhamdulillah.